Comme une tornade, les petits murs qui tenaient encore debout. J'étais seul dans ma tombe que je n'arrivais plus à fermer. Je voyais tes yeux pleurer, des fois on n'y peut rien. Ils se mettent à pleurer, rien ne peut les assécher. Rien, même pas la volonté de bien faire, l'empathie, la compassion ou l'amour. Ils pleurent, c'est ainsi, c'est triste, mais c'est comme ça. Y'a qu'à attendre qu'ils se lassent, ils se lasseront un jour, tout finit par lasser. Les miens pleurent aussi, j'attends qu'ils se lassent. Ils ne sont pas pressés, et cette foutue tombe qui ne ferme plus. J'observe les petits murs couchés tout horizontaux sur le sol sali. Il n'y a que des débris comme des pièces d'un puzzle insensé que personne ne veut construire car personne ne veut une maison avec des murs tout fissurés. Rien ne s'élève sur de la douleur au travers Dieu qui pleure. Ma tombe ne ferme plus. J'étais là tout à côté assise, tu étais là assise, j'étais tout intimidé. La tête à peine sortie de ma tombe, je profitais de ce moment qui je savais ne durerait qu'un instant. Avant le retour au silence et cette tombe qui ne ferme pas. Tu étais un orage d'horizon grouillante, d'éclairs et de pluie. Sur un océan d'ombre grimaçante, la beauté sur d'étranges raideurs. Les laideurs de principes surestimés qui polluent tout jusqu'à tes yeux. Et nos amours imparfaits, des petits heurts aux allures insurmontables qui finissent par s'étendre et prendre toute la place. Et on en oublie tout le reste, tout ce qui fait qu'aujourd'hui tu viens à nouveau me dire que tu es belle, que tu m'as aimé, peut-être que tu m'aimes encore, avant de disparaître pour longtemps, peut-être même toujours, loin de ma tombe qui ne ferme plus. Pris mes erreurs par cœur, quand tu me les récites, je plonge un peu la tête dans la tombe. Seuls mes yeux dépassent et se blessent aux syllabes qui filent dans la pièce. J'ai dit et écrit tout ça, je crois que je te voyais déjà disparaître. J'ai dit et écrit tout ça comme une prémonition qui se justifiait. J'ai dit et écrit tout ça à mesure que tu glissais hors de mes bras. J'ai dit et écrit tout ça et mes excuses sont sourdes et ma tombe ne ferme pas. Tu as appris mes erreurs par cœur et c'est comme ça que tu me vois au travers de ton regard bouleversant entre la colère et le déchirement. Tu me vois avec ces erreurs qui continueront à être perpétrées parce qu'on ne change pas, parce que c'est nature, parce qu'on n'apprend pas. Mes erreurs seront éternellement là, plantées sur mon front comme des soleils noirs qui ne brillent pas. Je suis tout éteint, étiqueté, jugé, condamné et désaimé, à moitié enfoncé dans ma tombe qui ne ferme plus. Tu as fini par te lever, tu m'as serré dans tes bras, j'ai été surpris. Je me sentais tellement petit que je ne croyais pas qu'on pouvait encore me prendre dans des bras. C'était doux, c'était étrange d'entremêler nos intenses tristesses ainsi. Comme on s'est blessé mutuellement fort, très fort quelquefois, alors qu'on s'est aimé fort, très fort, et que certains aiment encore fort, très fort. Je suis accroché à toi le temps que j'ai pu et le froid s'est à nouveau glissé entre nous. Avant de partir, tu m'as aidé à refermer le couvercle de ma tombe. Dans ton regard, il n'y avait plus de colère, qu'une petite tristesse déterminée à rester dans tes yeux. Le couvercle a glissé lentement et la tombe s'est à nouveau fermée.